الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ثم أما بعد. نتخدوزون ici une fatwa importante de Cheikh Mokbel Ben Hadi al-Wadi'i rahimahullah, dans laquelle il montre le statut de Issam Barqawi, plus connu par le surnom de Abu Muhammad al-Maqdisi. Ce Abu Muhammad al-Maqdisi est connu pour les salafis par sa voix et sa méthodologie de takfir et de khuruj. Il s'acharne à déclarer mécréants les gouverneurs des États islamiques afin d'y semer les troubles et d'y inciter aux rébellions et aux révoltes. Cette situation profite aux ennemis de l'islam. Abu Muhammad al-Maqdisi avait déclaré mécréant même l'État saoudien et avait fait tout un livre pour propager cette idée. Son livre s'intitule « Al-Kawashif al-Jaliyya fi kufri al-Dawlat al-Saoudiyya ». Certains savants comme Mokbel et Rabi' et certains mashayikh avaient réfuté ce takfir. Nous citons par exemple le livre de Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul, Ar-Raddu ala Kutub Mashbouha, où il réfute le livre de Al-Maqdisi intitulé Al-Kawashif al-Jaliyya. Nous citons aussi le livre de Abi Omar, Usama bin Ataï al-Utaybi, intitulé Ar-Rad'u wa al-Tabkit بالمقدسي صاحب كشف شبهات المجادلين عن الطواغيت. Et nous citons enfin le livre de Cheikh Abd al-Aziz al-Rayis intitulé تبديد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التوحيد, qui fut préfacé par l'éminent Cheikh Saleh bin Fawzan Fawzan hafidhahullah. Par ailleurs, Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah avait riposté à ce takfiri, Abu Muhammad al-Maqdisi, et ce, dans l'introduction de Cheikh Rabi Hafidhahullah à la seconde édition de son livre très édifiant intitulé Manhaj al-Anbiya fi al-Da'wati ila Allah, fihi al-Hikmatu wal-Aql. Traduction de ce titre, la méthodologie des prophètes dans l'appel à Allah contient de la sagesse et de l'intelligence. Abu Muhammad al-Maqdisi s'était attaqué à Cheikh Abdullah Dwish rahimahullah et à sa critique de Sayyid Qutb dans le livre de Al-Mawrid al-Zulal fi al-Tanbih ala akhta' al-Zilal. Et ce Maqdisi s'insurgea comme un défenseur de Sayyid Qutb, leur patriarche de Takfir, et il s'en prend aussi à Cheikh Rabi' afin de défendre cet autre patriarche qu'est Abi Abd al-A'la al-Mawdoudi. Al-Maqdisi prétend que Cheikh Rabi' hafidhahullah aurait digressé dans sa réfutation de Al-Mawdoudi lorsque Cheikh Rabi' établit un exposé sur le fanatisme de Al-Rafida au sujet de Al-Khilafa et Al-Imama. Cheikh Rabi' hafidhahullah riposte alors à Abu Muhammad al-Maqdisi Issam Barqawi, lui expliquant que c'est lui qui n'avait pas saisi le trait de divergence, le sujet de litige entre les deux, c'est-à-dire entre Cheikh Rabi' et Al-Mawdoudi, et qu'il devrait faire bien des efforts, des études et des recherches autour de ces questions, c'est-à-dire de Al-Imama et de Al-Khilafa, avant d'en parler. Finalement, nous soulignons que les Qutbi soutient ce genre de personne qu'est Al-Maqdisi. Et pour exemple, cet autre Qutbi appelé Muhammad al-Amin Bukhubza de Tétouan, qui fait l'éloge de Abu Muhammad al-Maqdisi et de son livre de takfir de l'État saoudien. Écoutons maintenant la fatwa en arabe de Cheikh Mokbel Ben Hadi al-Wadi'i rahimahullah au sujet de Abu Muhammad al-Maqdisi. Et puis passons à la traduction en français. رأيكم يا شيخ في المدعو المقدسي أبو محمد المقدسي, نبغى رأيكم فيه يا شيخ, ما تقولون فيه, هل هو من أهل العلم أو هذا الرجل يكتب كتابات وكتب كثيرة الأخطاء. إذا مرة أرسل لنا بكتاب لعله الله أعلم إعداد الفوارس. نعم إعداد الفوارس في برك المدارس هو أو غيره. لو ليس بكتاب الكواش الجلية فإنه كان لا يعترف بأنه له، فأعطاني أنظره وأنا ما لدي وقت، فأعطيته الأخ الناقد البصير عبد العزيز البراعين وبين ما فيه من الأخطاء نصحا لله سبحانه وتعالى، فوصلت إليه فإذا هو يريد أن يرد على عبد العزيز البراعين. فقلت له هذا رجل جاهل مكابر، اتركه ولا لا ينبغي أننا نشتغل به، لا ينبغي أننا نشتغل به والله المستعان. ولكن الناس من رأوا عنده حماسة ظنوا أنه من أهل العلم، وما أكثر الذين يظنونهم من أهل العلم وليسوا من أهل العلم، فهذا رجل ليس من أهل العلم. لكن يا شيخ كلامك، أنت ذكرت كتاب الكواشف وذكرت الكتاب هذا الثاني الفوارس، كلامك الآن على كتاب الفوارس الذي أرسل إليكم من أي سورة؟ على هذا الكتاب وغيره، ما أذكر كتاب من كتبه يقول نبين ما فيه من الأخطاء ونقرأه ونبين ما فيه، فأعطيته الأخ الفاضل الناقد البصير عبد العزيز البراعي، فماذا يعني ثم نقد ما فيه وأرسلنا به. إذا هو يريد أن يجادل ويرد على عبد العزيز البراعي، قلت لعبد العزيز البراعي لا تشغل نفسك بهذا، هذا رجل جاهل مكابر والله المستعان. Voici la traduction de cette fatwa du Cheikh Mouhaddis Abi Abdurrahman Mouqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah lorsqu'il fut interrogé sur le statut de ce takfiri Abi Mohammed Issam Barqawi al-Maqdisi. La question: Ô Cheikh, quel est votre avis sur celui qui se surnomme al-Maqdisi, Abu Mohammed al-Maqdisi? Nous voulons savoir votre opinion à son sujet, ô Cheikh. Qu'est-ce que vous en dites et est-ce qu'il fait partie des gens de science? La réponse du Cheikh, rahimahullah: ceci est un homme qui écrit certaines choses. Ses livres sont pleins de fautes. Une fois, il m'avait envoyé un livre à lui. Et Allahu a'lam, est-ce que c'était I'dad al-Fawaris? Oui, c'était I'dad al-Fawaris fi hajri fasad al-madaris. Traduction de ce titre: la préparation des cavaliers pour quitter la corruption des écoles. C'était ou bien ce livre ou un autre. De toute façon, ce n'était pas Al-Kawashif al-Jaliya, car il ne le revendiquait pas. Note le traducteur: le livre de Al-Kawashif al-Jaliya fi Kufr Dawla Saoudiya. Traduction de ce titre: les arguments limpides de la mécréance de l'État saoudien. De son auteur, Abi Mohammed Issam Barqawi al-Maqdisi, et le livre dont nous avons parlé en introduction et auquel avait riposté Cheikh Mohamed Bazmoul Hafidahullah. Fin de cette note. Cheikh Mouqbil Wadi'i Rahmoullah poursuivait: il me l'avait envoyé pour y regarder, et comme je n'avais pas de temps, je l'avais transféré à notre frère qui est un critique perspicace, Abdul Aziz Al-Bura'i. Il avait démontré ce qu'il y a dans le livre comme erreur, en guise de nasiha, conseil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est parvenu à Al-Maqdisi, qui s'érigea alors pour répliquer à Abdul Aziz Al-Bura'i. Je lui ai donc dit que c'était un homme ignorant et hautain, qu'on le délaisse, car il ne convient pas à des gens comme nous de s'y intéresser, et qu'Allah nous assiste. Pourtant, les gens, quand ils voient quelqu'un qui a de l'enthousiasme, ils pensent qu'il est des gens de science, Oh, combien sont nombreux ceux qu'ils pensent être des savants et qui ne le sont pas. Celui-ci, par exemple, n'est pas un savant. Le questionneur intervient. Mais, ô cheikh, vous avez cité le livre de Al-Kawashif al-Jaliya et un second livre, Al-Fawaris. Vous parlez ici de Al-Fawaris qu'il vous avait posté. La réponse du cheikh, rahimahullah, oui, c'était ce livre ou un autre, je ne me rappelle pas très bien. Un de ces livres qu'il nous demandait de vérifier et de montrer ce qu'il contient d'erreur. Je l'avais transmis à notre honorable frère, le critique lucide, Abdelaziz Al-Bura'i. Et quand il l'avait critiqué et que nous le lui avions rendu, alors il voulait polémiquer et réagir contre Abdelaziz Al-Bura'i. J'ai dit à Abdelaziz Al-Bura'i, ne t'intéresse pas à lui, ne t'intéresse pas à une telle personne. C'est un homme ignorant et prétentieux. Wallahu al-musta'an.